Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'affaire des valises rouges des sœurs Lévesque. Deux enseignantes de Jonquière, deux femmes dans la cinquantaine, ont été arrêtées à l'aéroport de Rome, avec dans leurs valises près de 7 kilos d'héroïne d'une valeur de 16 millions de dollars au marché noir. Elles revenaient d'un voyage en Inde. C'est la stupéfaction au Saguenay. Les sœurs Micheline et Laurence Lévesque n'ont jamais rien fait qui puisse laisser soupçonner quelques liens avec le milieu de la drogue. Tout au contraire. C'est effectivement la stupéfaction au Saguenay et dans tout le Québec, d'ailleurs, quand le 7 janvier 1986 tombe cette nouvelle de l'arrestation des sœurs Lévesque. Les sœurs Lévesque seront détenues à Rome plus d'un an, en grande partie en résidence surveillée. Elles seront finalement libérées au terme de leur procès le 12 février 1987. Est-ce que vous diriez, M. Perron, que ce sont des personnes naïves? Oh non, je ne dirais pas ça. Je ne pourrais pas mettre ça en doute non plus. Avec l'expérience que ces femmes-là ont, ce n'en sont pas leur premier voyage, ils ont fait quand même bien des voyages. Je ne pense pas qu'on puisse traiter de naïveté. Ça ne me passe pas par la tête de toute façon. Donc, elles ne pourraient pas avoir été abusées, par exemple? Bon, je ne sais vraiment pas. De toute façon, tout ce qui touche un peu de naïveté là-dedans... Je pense moi à une machination. Je pense que, étant donné qu'elles étaient en transit, je pense plus à une machination qu'à autre chose. Parce que d'une façon générale, on ne croit pas qu'elles peuvent être impliquées dans une histoire pareille. Non, c'est pas un des scénarios qui nous est possible d'imaginer. Pourquoi surtout? À cause de leur responsabilité, puis à cause de leur crédibilité, puis de leur coutume, de leur mode de vie, etc. Yvon Perron, le directeur de la polyvalente d'Arvida où travaillait Micheline Lévesque, interviewé par Dominique Payette le 8 janvier 1986. Mon collègue, le journaliste Marc Lerondeau, a suivi cette affaire à l'époque. Vous aviez interviewé d'ailleurs pour la télévision, Marc, les sœurs Lévesque au moment de la publication de leur livre. Oui, pour Télé-Québec à l'époque. Télé-Québec. Je m'étais déplacé. J'étais allé au Saguenay les rencontrer, puis les interviewer longuement. Et quelques mois avant, au moment de leur... acquittement, leur libération pour doute. J'avais également écrit, j'écrivais à la presse à l'époque, j'ai fait un long article sur leur saga, car c'en était une. Et qui a passionné tout le Québec, tout le pays, en fait. Il n'y a pas, j'ai fait des tests avant de venir à votre émission, il n'y a pas un Québécois, une Québécoise qui ne se souvient pas des sœurs Lévesque avec les valises rouges. C'est une image très claire. La plupart en parlent avec un large sourire dès qu'on aborde le sujet. Parce qu'elles étaient des mules, comme on dit dans ce métier des trafiquants, et des mules exceptionnelles qu'on ne voyait pas venir, c'est-à-dire deux enseignantes, Micheline Lévesque, 53 ans, Laurence Lévesque, 56 ans. La première, Micheline, enseignait encore à Arvida, le français d'ailleurs, pour une centaine d'étudiants. Et Laurence Lévesque, 56 ans, était à la retraite. Elle voyageait souvent à chaque année, elle se payait un voyage. Et là, c'est quelqu'un d'autre qui leur avait offert le voyage. Et la surprise, le boom, c'est de trouver dans leur valise à l'aéroport de Rome de quoi approvisionner les 5000 héroïnomanes de Montréal. Pendant un mois, ont écrit sur le coup André Sidilo et Martha Gagnon de la presse. Beaucoup d'héroïnes dans cette fameuse valise rouge. Oui, c'était très, très professionnel avec les doubles fonds dans les valises, tout ça. Et on se demandait comment des personnes aussi respectables, aussi rangées pouvaient en venir là. Et c'est ça le choc. Mmh. Alors, leur défense s'est organisée. Elles ont été emprisonnées à la prison de Rébibia, dans un premier temps. Ouais. Et s'en est suivi une détention plus clémente, c'est-à-dire par un réseau de contacts, le père Armand Gagné, des pères trinitaires, a permis qu'elle soit en résidence surveillée, on dirait chez nous, mais c'est à la maison des pères trinitaires. Et, donc, sur les 14 mois, finalement, elles ne seront que, tout est relatif, elles ne seront que 107 jours dans cette prison de Rébibia, puis ensuite dans cette résidence surveillée. On a un extrait, Marc, d'une entrevue d'Alain Vasme qui décrit, là, on est vraiment au tout début, elles viennent d'être faites prisonnières, elles sont dans cette prison de Rébibia. Alain Vasme qui décrit la rencontre du consul canadien avec les sœurs Lévesque, mais vraiment au tout début de leur détention. Le consul les a trouvées très bien, en tous les cas aussi bien qu'on peut l'être dans les conditions où elles se trouvent. Elles-mêmes ont déclaré qu'elles avaient un très bon moral, qu'elles étaient optimistes sur la suite de leur affaire, qu'elles étaient très bien traitées. Il semble qu'elles soient ensemble toutes deux dans une cellule, sans autre détenu avec elles. Elles tiennent beaucoup à ce que leur famille se rassure, et le consul a déclaré pour sa part, après avoir parlé avec elles, que donc il les trouvait en excellente forme et optimistes autant qu'elles pouvaient l'être dans leurs conditions. Donc les sœurs Lévesque, le consul canadien également, Marc Laurendeau, qui sont optimistes à ce moment-là pour la suite des choses. Comment le Canada va gérer cette affaire-là diplomatiquement? Est-ce que ça aura un poids, un impact pour la suite des choses? C'est important d'avoir un consul qui va sur place, qui voit ce que vous soyez bien traité. Elles décrivent cependant dans leur livre les conditions de détention qui n'étaient pas reluisantes. C'était difficile. Ah oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on est passé à cette étape, et grâce encore une fois au père trinitaire, le père Armand Gagné, on est passé à ce qu'on appelle l'arrêt domiciliaire. C'est ça le terme technique qu'emploient les Italiens. À ce moment-là, elles étaient détenues tout près du palais Carina, là, au centre de Rome, et dans un couvent, une sorte de couvent. Les pères trinitaires, vous savez, secourent les chrétiens persécutés un peu partout à travers le monde. Alors, il y avait quelque chose d'un peu doré là-dedans. Et elles avaient le droit de sortir, suivant leur livre, 2 heures par jour, ou suivant d'autres sources, 4 heures par jour. Elles avaient le droit de se promener dans Rome. C'était nettement plus clément comme forme de détention. Comment avait-elle pu être amenée là? Micheline avait une fille qui s'appelait Sylvie. Oui. Et Sylvie, donc, a décidé d'offrir à sa mère, pas aux deux, comme on le croit, j'ai lu les procédures judiciaires, payer le voyage à sa mère et lui offrir des valises à sa mère, 2 valises rouges. Et tout ça s'est fait très précipitamment avant le départ. Elles avaient rempli toutes les procédures, suivi tous les vaccins, tout ça, mais les billets n'arrivaient pas. Les fameux billets d'avion. Et la veille, arrivent les deux valises rouges, et elles provenaient d'un nommé André Ganim, qui était un trafiquant d'héroïne, condamné à 6 ans de prison. Mais ça, évidemment, ça n'est pas dit au début, là, mais les 2 valises rouges sont amenées. Oui. Il y a même des cousins là qui les regardent, qui trouvent ça intéressant. Et puis, le voyage, c'est très compliqué parce que les transactions se font à Toronto. Ça passe par le fameux André Ganim. Et on ne sait pas. C'est très, très louche, finalement. Et ce n'est qu'à la toute dernière minute qu'elles obtiennent la certitude qu'elles vont partir pour l'Inde avec les 2 valises. Elles mettent de côté une grande valise qu'elles avaient. Et les 2 valises rouges étaient destinées à Micheline. Et non pas à Laurence, qui avait déjà ses 2 valises. En fait, elles partent avec 4 valises. Elles partent avec 4 valises. Et c'est Micheline qui a les 2 valises rouges. Et au moment où les cousins et les belles-sœurs l'ont examinée au domicile, il n'y avait pas de double fond à ce moment-là. Elles étaient neuves. Et ce qui est suspect... Ça a été documenté par la suite, évidemment. Oui, j'ai lu les procédures judiciaires, même les rapports de la GRC. Alors, ce qui est étrange, c'est que, il y a cet accord. On voulait avoir un prix bas. C'est ce que disent les sœurs Lévesque. On voulait que ça coûte pas trop cher. Ouais. Et puis, la fille, Sylvie, offrait des bonnes conditions. Mais la fille était elle-même une héroïnomane. Elle dépensait quelque chose comme 400 $. Elle le dit par la suite. 400 $ par semaine pour consommer de la cocaïne. Je dis cocaïne, c'est ça qu'elle consommait. Oui. Et elle était danseuse nue aussi. Alors déjà, c'est un milieu assez spécial. Et la veille de leur départ, ils se réunissent dans le Vieux-Montréal, place Jacques-Cartier, pour, paraît-il, discuter du voyage. Et puis il y a un monsieur Jacques Beauregard qui est là avec André Ganim, toujours, et ils discutent. Ben, ça serait intéressant que Jacques Beauregard vous rejoigne là-bas en Inde et vous dise les places à visiter, puis les bons restaurants, puis pas vous faire rouler. C'est ça qui est discuté, d'après leur théorie. Mais qui est ce Jacques Beauregard? Ben, il a été interrogé par la GRC et aussi en commission rogatoire. Et ce qu'il dit, c'est « je les connais pas, j'étais pas là ». Alors, c'est très étrange. Il y a beaucoup de contradictions. Mais c'est déjà étrange de veiller jusqu'à 5 heures du matin, la veille d'un départ, et c'est Micheline qui est là, la plus jeune des 2 sœurs Lévesque, en compagnie de sa fille Sylvie, de André Ganim et de ce monsieur Jacques Beauregard. Ils discutent jusqu'à 5 heures du matin. Et ils partent quelques heures après, les billets arrivent, les billets d'avion arrivent, les 2 valises, etc. Ce qui se passe par la suite, c'est qu'en Inde, à un moment donné, ils arrivent pour prendre leur vol pour aller à Rome, parce qu'il y avait un transfert, un arrêt même à Rome. Et là, on leur dit, il n'y a pas de place. Alors donc, vous allez devoir attendre une semaine. Elles vont à Bénarès et elles laissent les 2 valises rouges. Et c'est là qu'on les a emplies d'héroïne, effectivement. Mais les circonstances, le savait-elle ou ne le savait-elle pas? Je vous ai donné toutes les circonstances, là, mais le tribunal devait apprécier si les deux sœurs l'évêque étaient conscientes qu'elles étaient des mules. Et pourquoi décide-t-elle à ce moment-là de laisser les deux valises rouges en consigne? On écoute les sœurs l'évêque donner leur version de ce qui s'est passé sur cette question précise du choix des valises, extrait d'une entrevue menée par la journaliste Marcel Padovani à la prison de Rebibbia à Rome. C'est diffusé à l'émission Le Point le 24 avril 1986. Vous allez donc avoir ce procès et vous savez que du point de vue pénal, vos responsabilités sont différentes malgré tout. Parce que c'est dans votre valise, Micheline, qu'on a trouvé de l'héroïne et parce que c'est vous qui avez eu les contacts avec ce fameux Sylvain Roy. Comment allez-vous vous défendre ? En fin de compte, quand nous sommes partis pour Bénarès, nous avions 4 valises, nous avons laissé 2 valises à Delhi. Nous avons choisi de laisser mes valises parce qu'elles sont plus lourdes. Et ensuite, elles sont rigides, alors que celles de Laurence sont en tissu. Alors, c'est comme, c'est élastique. Nous nous sommes dit, bien, si nous devons faire des achats à Bénarès, nous aurons quand même davantage d'espace dans les valises à Laurence. Alors, c'est pour ça que nous avons laissé mes valises à moi à Delhi et nous sommes partis avec celles de Laurence. En fait, c'est un pur hasard. Ça aurait fort bien pu être les miennes plutôt que les siennes. C'est pour ça que quand on parle de responsabilités différentes, il faut l'imputer à quoi? Oui, c'est peut-être du hasard, mais du point de vue pénal, c'est un fait. Oui. Alors, Marc Laurendeau, il est question dans cet extrait d'entrevue de Sylvain Roy. Qui est-il? D'abord, c'est une grande journaliste là, qui a interviewé les sœurs Lévesque, Mme Padovani, grande journaliste qui a écrit pour le Nouvel Observateur à l'époque. Et qui est-il, ce Sylvain Roy? On n'en trouve pas la trace. Il n'y a que Micheline qui lui a parlé au téléphone. Micheline, une des deux sœurs Lévesque, la plus jeune, 53 ans, et elle dit l'avoir rencontré, c'est un agent de voyage qu'elle a trouvé sympathique et qui lui a parlé de l'Inde, il avait l'air à connaître ça, qui lui a donné sa carte, mais là, elle a perdu sa carte dans les valises qui ont été fouillées par les douaniers et elle ne sait plus comment la retracer. Ni la GRC, ni les services policiers au Québec n'ont pu confirmer par leur dossier l'existence de ce personnage, ni n'ont pu l'interroger. Les juges écoutent cette version. Mais beaucoup en doutent. Le procureur dans ce dossier qui s'appelle Giuseppe Di Nardo, il dit que c'est une invention. Il dit qu'elle ne veut pas accabler sa fille, Sylvie Roy, et donc elle invente, je cite le procureur, un personnage qui lui, vers qui on peut déverser tout le blâme, si vous voulez. Alors, ce serait ce fameux Sylvain Roy qui aurait offert de mettre les valises en consigne à New Delhi et de leur redonner. Alors, ça, c'est la version des sœurs Lévesque. D'autres pensent que c'est quelqu'un dans le réseau, dans le fameux réseau qui a fait ça. Parce que Sylvain Roy, encore une fois, la commission rogatoire qui est venue au Québec, la GRC, personne n'est arrivé à l'interroger. Et Sylvie Roy, dont j'ai lu tous les témoignages, son témoignage à la GRC, son témoignage devant la commission rogatoire, elle dit « c'est moi qui ai payé le voyage ». Je me suis démené auprès d'André Ganim pour obtenir de ses contacts le prix des billets. Et puis c'est lui qui m'est arrivé en m'offrant les valises 100 $. Ouais. Elles valaient plus que ça, mais les valises 100 $. Et puis c'est lui qui est arrivé, qui a déclenché la libération des billets, finalement, l'émission des billets. Elles seront finalement relâchées par la justice italienne le 12 février 1987. On écoute l'avocat Claude Archambault qui raconte la réaction des sœurs Lévesque à cette décision de la justice italienne. Oui, elles étaient très, très heureuses, elles pleuraient. Pour vous, est-ce que c'est une victoire partielle parce qu'il reste que le président n'a pas innocenté les sœurs Lévesque? Bien, innocenté, il a dit qu'il l'absolution parce qu'il y avait insuffisance de preuves. Moi, je suis satisfait. J'appelle ça une absolution. C'est un acquittement. Alors, Claude Archambault qu'on entend, ce n'est pas lui l'avocat des sœurs Lévesque. Vous l'avez nommé, là, il y en a un en Italie qui les défend devant la cour italienne. C'est un autre avocat qui les défend. Il s'appelle Francesco Saracca. C'est lui qui les défend. Tandis que Claude Archambault, c'est un personnage bien typique. Hein, c'est-à-dire, C'est lui qui offre ses services. C'est quelqu'un que j'ai connu à la faculté de droit, qui connaît bien son droit criminel. Là. Je ne veux pas faire de réserve là-dessus, mais qui a le sens de la publicité. Il y a une espèce de flair pour ça. Et c'est ce qu'il fait, là. Il fait un peu la... Enfin, il s'occupe des relations publiques, entre guillemets, au Québec de cette affaire-là. Ah, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ce qu'il dit aux journalistes à l'époque est très typique. Il dit à Joyce Napier, c'est dommage, je n'ai pas pu revenir en même temps qu'elle. J'aurais pu me prendre de belles photos pour la presse écrite et la télévision au retour. Il a aussi proposé ses services aux Sœurs Lévesque. Il savait très bien l'impact publicitaire que ça aurait. Il a aussi proposé au Journal de Montréal, payez-moi mon billet d'avion, puis moi je vais vous obtenir des reportages des Sœurs Lévesque. Et il confie à la presse saguenéenne, quand les Sœurs ont été acquittées, j'ai passé un bon 2-3 heures au téléphone, parler au Canada, à la France, au Québec. Je le cite, un bon coup de marketing. Alors, c'est comme ça. Et mon souvenir à la faculté de droit, très peu, dès qu'il en est sorti, la Cadillac, le cigare, il affichait son succès, croyant que c'était pour amener le succès. Vous vous souvenez, à l'arrière des annuaires téléphoniques, il y avait sa photo, de sorte qu'un prévenu, la première photo de criminaliste qu'il voyait, c'était celle de Maître Archambault, un coup fumant de publicité. Cela dit, je pense qu'il a été utile en termes de relations publiques et de contacts à l'extérieur. Je pense que Claude F. Archambault, parce que c'était en grande partie une offensive publicitaire. Il y a beaucoup de cette cause qui se plaidait en dehors de la cour, c'est-à-dire par les réseaux. Il y avait aussi un conditionnement de l'opinion publique en Italie, ici, et une campagne de relations publiques. Et sur ce plan-là, puis j'ai lu dans le livre, les Sœurs Lévesque croient qu'il a joué un rôle utile, une espèce d'intermédiaire entre la justice italienne, elle, et le Québec. Et ce sera une histoire très, très, très suivie, on le disait dès le début de cette émission, tant et si bien que le 31 décembre 1986, l'affaire des valises rouges va se retrouver dans le bye-bye. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, votre quiz touristique Gémeaux Voyage vous parvient directement de Rome. Et voici votre animateur, le juge Francesco Missioni. Nous avons deux concurrentes formidables. Je vous les présente immédiatement, les Sœurs Lévesque. Bonasera, Missili. Bonasera. Bonasera, Laura. Bonasera. Nous saluons également dans la salle ce soir les groupes qui nous proviennent de Napoli, de Capri et de Chicoutimi. Alors, mesdames, pour 100 points, voici la première question. Comment appelle-t-on une substance blanche? Cristalline, plutôt toxique, et qui peut devenir une dangereuse habitude. Du gros sel? Non. De la quoi salsa? Non plus. C'est de l'héroïne. De l'héroïne, on en bégaron. Ça nous était jamais venu à l'idée. Non. Mais tout n'est pas perdu. Alors, on sent bien Marc Laurendeau dans ce sketch du Bye Bye de 86, Bye Bye 86. On sent qu'il y a du scepticisme, là. Comment va réagir l'opinion publique québécoise à cette histoire-là? Est-ce qu'on va croire la version des Sœurs Lévesque? L'éditeur, qui s'appelle Jean-Claude Larouche, l'éditeur du livre, a dit en bout de course, vraiment en bout de course, 99% des Québécois ne croyaient pas à leur version. C'est pourquoi le livre ne s'est pas vendu tellement. Larouche en a fait imprimer 10 000 copies. Il s'en est au total peut-être vendu 5 000. C'était pas le coup attendu. Scepticisme, donc, le sketch, en parenthèse, a été écrit par André Dubois, c'est Dominique Michel, et celle qui joue dans à la semaine Michel prochaine. Michel Delaurier. Michel Delaurier dans la semaine prochaine. Là. Alors, c'est eux. Et à un moment donné, il y en a une qui donne un coup de coude à l'autre. Tu dois pas répondre ça. Moi, quand j'ai rencontré les Sœurs Lévesque, j'ai constaté que c'était comme ça. Il y en avait une qui était la patronne des deux. C'était Micheline, de facto. Pourquoi les Québécois ne croyaient pas? Il faut dire, entre parenthèses, qu'elles ont été acquittées et que, un peu comme dans notre droit ici, c'était une preuve de circonstance. Oui. Une preuve de circonstance, pour conclure à la culpabilité absolue, il faut que, de cette preuve de circonstance, ça soit la seule conclusion possible. Il y a une preuve de circonstance, il y a toujours des doutes. Il faut prendre cette précaution. Cela dit, la contradiction. La mère Micheline qui dit, c'est Sylvain Roy qui a organisé le voyage. Or, dans tous ses témoignages, Sylvie prend ça sur elle, la fille. Dit, c'est moi qui l'ai organisé avec André Ganim. Pourquoi rester au restaurant du Vieux-Montréal, plage Jacques-Cartier, jusqu'à 5 heures du matin, quand on part pour un voyage dans quelques heures? Le poids des valises, Marc, aussi. Ah, hein, très, très étrange. C'est-à-dire que, imaginez, là, les auditeurs qui nous écoutent et vous-même, vos valises viennent de prendre 12 livres, 6 kilos de plus. On semble qu'on s'en aperçoit, on se pose des questions. Le jugement, quand on le lit, le jugement des trois juges, là, est plein de... C'est le juge Pelagi qui est le juge en chef, le juge Moreau, le juge Del Giudice. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a toutes sortes d'expressions du doute, incompréhensibles, équivoques, discutables. Les doutes, en fait, vont dans les deux sens dans ce jugement. Ce qui a fait pencher la balance, en réalité, en leur faveur, et les gens sur place le disent, les Trinitaires, le fait qu'elles aient été recueillies par les Trinitaires, le père Armand Gagné dit, a témoigné en cours. Et il le dit au journaliste de la Gazette, qui était là sur place, il dit, c'est sans doute moi qui ai fait pencher la balance. Et Marcel Padovani, la grande journaliste que nous entendions tout à l'heure, a écrit que c'est le caractère des deux accusés qui a joué en leur faveur. Aucun doute là-dessus. Petite parenthèse, le père Armand Gagné n'a pas reçu de remerciements. Et sans en garder de l'amertume, il a souligné ça à la presse. Dans les valises rouges, elle le mentionne, c'est le titre de leur livre, les valises rouges, elle le mentionne, mais il n'a pas reçu de remerciements. Elle leur devait beaucoup dans cet acquittement. Au fond, on peut plaider le caractère devant un tribunal, chez nous. Cette preuve est contredite. Cependant, quand on fait une preuve de caractère, on est contre-interrogé. Mais la preuve de caractère des sœurs Lévesque, qui est légitime, elle a passé. Elle a vraiment passé la rampe suivant la plupart des témoins qui étaient là. Et c'est ça qui a été décisif. Quand elles sont arrivées ici, elles sont... elles m'ont accordé cette entrevue de télé, mais ils ont fait une ligne ouverte avec Pierre Pascoe à l'époque. Et là, les gens posaient des questions assez raides. Et on s'est rendu compte que le public ne les croyait pas. Et c'est pour ça que les livres ne se sont pas vendus tant. Et puis, il y a un certain... nous sommes des Normands, les Québécois. Il y a toujours un côté hésitant, douteux, etc. Ouais. Alors, il y a cet aspect-là là, qui a dû faire partie du portrait. Si bien que ce sketch du bye-bye, à mon avis, traduisait la perception à ce moment-là. En tout cas, Marc Laurendeau, c'est vrai que beaucoup de Québécois se souviennent de cette affaire-là, mais on ne se souvenait pas des détails. Merci de nous les avoir rappelés. Merci beaucoup, Marc. Ça a été un plaisir. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, Mathieu Beauchamp, la réalisation, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique Dominique Beaudoin. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.